êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Ben non, c'est une blague! On ferait pas ça toute la nuit? Comment c'est pas ça, toi, là? Ben non! Franchement! Hey, c'est déplaisant. C'est pas écoutable. Non. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 18 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On t'en dirait des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce mardi matin. Et oui, c'est vraiment de retour en direct après avoir passé un moment à écouter du gushing. Ça arrive. Donc là, on est sûr que personne nous écoute. Ben, c'est ça, parce qu'il n'y avait rien avant nous autres. Non, il y avait une chanson de Ivy qui était pas mal bonne. Hein? C'est un genre. Ça arrive, de temps en temps, des fois que le système plante. Et puis, que voulez-vous qu'on fasse, hein? Hey, on n'est pas, on dort pas ici. Là. On n'a pas un technicien 24 heures, nous autres. Le prochain. Donc aujourd'hui à l'émission, on a un bon plan quand même assez précis pour vous. Flou par moment, mais précis par d'autres. C'est un peu comme la température. Si tu attends une tempête, il donne un petit peu de neige, les gens capotent, puis ça conduit mal, etc. etc. Puis attendez la vraie tempête, vous allez voir ce que ça va donner. T'sais. Non, ça va être pire, je pense. Mais qu'il y a une vraie tempête. Parce que les gens disent que ça, c'est une tempête. Ben, ça en est quand même une, pour vrai. Là. Pour nous autres, ça en est peut-être une, ouais. Ouais. Pour certains autres, ils diraient on est faible, pas mal. Ben, en campagne, écoute, les routes sont pas exceptionnellement bien déneigées. Non. Donc, en fait, si on part de cette prémisse-là, on pourrait dire que c'est une tempête. Et voilà. Et parti de bonne heure, hein, ce matin. Surtout, écoute, c'est la dernière journée des étudiants, c'est ben l'université. Oui. C'est la grande finale et les gens ont des examens. C'est ça, dernière journée d'examen. Donc, parti de bonne heure. Essayez de ne pas vous stresser avec la température. Ben comme ils disent, un party de bonheur pour faire le party de bonheur. Hein? Ouais. Non? Ils disent pas ça? Ben, je sais pas s'ils disent ça. Moi, je trouve que c'est une belle phrase. Je m'en servirai. Peut-être. Comme un slogan. aujourd'hui, Michel Lebrun va être là pour sa dernière chronique de l'année. Sa chronique. En fait, c'est une chronique cuisine, vous le savez. Hein, il va nous cuisiner un pâté à l'oie. Loi, des lois. Loi, là. De... Juridique, de la loi, mais ouais. C'est comme un jeu de mots avec un oiseau puis la loi. Là. Ouais. Ouais. Par contre, David Ferron, nous, il sera pas là, lui, mais par contre, il va essayer de nous faire croire à la magie de Noël à distance. OK. Avec la langue dans ton oreille, il va nous présenter des pièces de Noël par Maryse Le Tarte et Tricot Machine. Formidable. Plus tard dans l'émission, on va aller. Par téléphone, ça ou? Non, ben, je vais le faire à sa place, là. Ah. En fait, je vais imiter David qui imiterait son personnage de David et de Gustave Lafenêtre. Ça va être du théâtre à la radio. Ouais, formidable. Et on va acheter des cadeaux de Noël inutiles dans Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, même si vous avez aucun temps pour aller les acheter et les avoir avant Noël. À moins que vous preniez le shipping express à 30$ chaque, là. Je pense pas que ça va se rendre. Ah, c'est ça. Mais bon. Et puis, en tout début d'émission, c'est un fait Regular Size Edition, One Size Fits All Edition. C'est tout à l'heure. Génial. Tu te rappelles, hier, François, t'étais là? Oui, malheureusement pour toi. Et on a écouté nos pièces préférées francophones de l'année. Oui, exactement. Ouais. On va faire la même chose en anglophone aujourd'hui. Parfait. C'est pas pire comme idée, ouais. Ça? Je pense qu'on pourrait se mettre aujourd'hui et demain pour anglophone. Ah, parce qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Oui, pour vrai. Il faut jouer quand même du francophone. Donc, il y a ça. Ah, ça demande à la radio. Oui. Ouais, comme ça. Mais moi, j'aime ça comme ça. Personnellement, okay. Chacun son opinion sur la loi du quota du 65% franco, là. Ben, c'est pas déplaisant, dans ben, le sens y que, pas, ça. Francophone, il se fait des bons trucs. Exactement. Moins cette année que d'autres. Ben, pas si pire. Ouais. Pas si pire. Quand même. On va débuter avec un groupe local qu'on a reçu en entrevue plus tôt cette année. On fait plusieurs fois. Hein. On les a reçus quand même plusieurs fois parce qu'ils étaient en spectacle à la Chasse-Galerie le 1er novembre dernier, East Road. OK, oui. Tu te souviens d'eux? Oui. Alors, ben, on continue à les apprécier. Évidemment, quand on fait notre liste de choses qu'on a le plus aimé pendant l'année, les choses récentes ressortent plus facilement. Hein, ouais, tout à fait. C'est normal. Donc, on écoute leur pièce October Road tout de suite à Assemblage requis. Bonne émission. Sous la neige. Non, c'était mon imitation du. Bah. Ah, la guitare est douce. Comme toi, t'es doux, Matt. Est-ce que t'as touché à mon avant-bras? Non, non, je veux pas toucher à ton avant-bras. Saturday morning, my heart is on the move. What if we will leave, my friend, before tomorrow? Saturday morning, my heart is on the move. I want things too much, take my things and go.

and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. Mumford & Sons et la pièce I Will Wait. J'adore cette chanson-là. Écoute, ça met tellement dedans le matin. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore Mumford & Sons. D'ailleurs, l'album est en vente partout. Hein. Vous pouvez l'acheter. Dans tous les bons magasins. Oui, et ça fait un beau cadeau Noël. Oui. Ça fait un très, très beau cadeau. La demande est passée. François, ça a l'air subtil, dit de même. J'espère. Ben j'espère recevoir l'album de Mumford & Sons. Ah. Je ne l'ai pas acheté. Non. Écoute, je l'ai écouté. Tu te l'es procuré. Comme si on veut. Ouais. On veut un peu. On veut pas mal. C'est un avantage d'être dans une station de radio. Et puis, mais formidable, en fait. Là. J'aimerais ça aller les voir en spectacle aussi. Mm-hmm. Donc, des billets de spectacle peut très bien faire. Bah. Tu peux d'ailleurs m'appeler pour me dire que je vais les avoir. Au 819-376-5183. Merveilleux. Mais non, François, c'est le moment que t'attendais. Je sais que t'aimes ça apprendre. Tu gobes les informations comme si je te les gavais directement dans la bouche. En fait, ça tient où je retiens moins. Colin, mais moi, je n'arrêterai pas ma mission d'éducation, même si c'est la fin de session. Oh, je rime le matin, moi, là. Hé, Colin. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Commençons avec une expérience de Mark Rubber. OK. C'est pas une expérience sur les condoms, malgré le nom de famille du gars. Donc, une étude de Mark Rubber. 6% des conducteurs dans son test ont viré leur volant pour se tasser, pour aller piler par exprès sur un faux animal qui était sur la route. 6%. Il avait placé un animal mort, ben c'est un faux animal mort sur la route, et les gens faisaient exprès pour aller piler dessus. 6%. C'est bien. Des meurtriers psychopathes! Tu sais, quand tu penses, quand tu... En 2000, un homme a admis avoir ouvert 2417 comptes en utilisant 16 boîtes postales pour avoir des CD de chez Columbia House et BMG. Il a réussi à avoir 26 554 CD en tout. Hey. Tu sais, les CD à une scène, Columbia House, Maison Columbia? Mais Maison Columbia, là, ils finissent toujours par te retrouver. Toujours. T'as beau déménager, sans laisser d'adresse, écoute... C'est comme Québec Loisirs. Ah, Québec Loisirs. Ça te lâche pas une fois que t'as commencé. Ça, je m'étais fait avoir avec ça. Hein? Tout le monde s'est fait avoir avec ça. Mais j'avais commandé un livre et la personne au téléphone m'avait dit que c'était gratuit. Ben oui. Tout à fait gratuitement. Fait que, parfait. Je l'ai reçu, j'ai reçu une facture. J'ai rappelé, j'ai renvoyé. J'ai dit, mangez de la crème. Oh, ben quand même. Ils m'ont pas achalé. Non. Au moins, là, mais je trouvais ça déplaisant par contre. Quand même. Ils sont rendus avec des magasins Québec Loisirs. Je trouvais ça bizarre. Non, pas vu. Le nom scientifique pour un wishbone, tu sais, c'est l'os avec lequel tu fais un souhait. Là. Comment t'appelles ça en français? Le petit os de poulet, là. Ouais, le, je sais pas. Exactement. Je sais pas c'est quoi le nom. Un furcula. F-U-R-C-U-L-A. C'est joli. Oh, beau petit nom. Ouais. Les autruches ne peuvent pas voler, mais peuvent courir plus vite qu'un cheval de course. Ça a l'air méchant, une autruche, hein. Avec son bec, là. Et que ça a l'air méchant. Ouais. Non. Mais des bons œufs, sûrement. J'imagine, j'en ai entendu parler. Bon gros œufs. Bon, comment t'appelles ça déjà? Les taureaux? Les bulls? Taureaux? Ouais, c'est ça. Celui-là, je sais que je l'ai déjà fait, mais ça fait longtemps, donc c'est comme ça un genre de rappel, ça compte pas. Les taureaux sont daltoniens. Ils ne peuvent pas voir le rouge. C'est le mouvement de la cape qui fait qu'ils vont courir vers. Ouais, c'est ça. C'est mouvement, ça. C'est. Il y en a qu'on sait. Le nombre de cris de criquet. Émile-moi donc un criquet qu'on se rappelle tous de quoi ça a l'air. Je suis pas capable. Non. Donc, le cri du criquet. Pas capable. Le nombre de cris de criquet que tu comptes dans un intervalle de 15 secondes, OK? Ajoute 37 à ça et ça va te donner la température en Fahrenheit qui fait dehors. Ben non. Oui. Dans 15 secondes, le nombre de cris de criquet plus 37 égale le nombre de rires. OK. Donc là, mettons, ce matin, on fait le test. Ben là, on s'endort. Combien qu'il fait en degrés Fahrenheit, là? Je sais pas, moi. Je sais pas, mais il fait en haut de zéro. Fait qu'on serait supposé entendre des criquets. Ah, peut-être en bas de 37, par contre. Ah, mais là, ça dépend où il y a des criquets. J'imagine quand il fait si froid que ça, en plus, il n'y a pas de criquets. C'est sûr qu'il y en a. Mais non. Des criquets sous la neige. Franchement. Attends, je vais aller voir en degrés Fahrenheit. Fahrenheit? Comment est-ce qu'il fait? Je suis pas bon avec les Fahrenheit. Il fait 32. 32 degrés. On n'est pas loin du 37. On est à zéro juste en degrés Celsius. La conversion, on devient plus facile dans ce temps. Donc, ensuite, les moustiques. Mosquitos sont attirés par la couleur bleue deux fois plus que n'importe quelle autre couleur. Oh ouais. Tu sais, on dit l'été de ne pas porter de noir parce que le soleil, les rayons du soleil vont. C'est ça? Ben, porte pas de bleu non plus parce qu'il y a des moustiques. Chapeau. Je pensais que c'était daltonien, ça. Ben non. Très bien. Pas comme des taureaux. Le flamant rouge peut seulement manger lorsque sa tête est à l'envers. OK. T'es dehors debout. Ouais. Ah, OK. les flamants rouges. Encore? Oui, encore. Les flamants roses, j'ai dit rouge, hein? Ah, ouais. Flamants roses, on se comprend. Ont un tissu dans leur bouche qui leur permet donc de manger avec la tête à l'envers. C'est un tissu, ils appellent ça erectile tissue. C'est comme une dysfonction érectile. Ouais. Un tissu érectile dans leur bouche qui leur permet de manger la tête à l'envers. La Fédération de tennis sur table internationale. Ping-pong! Ping-pong, c'est la ITTF. Se fout complètement de quoi la table de ping-pong est faite. Le matériau utilisé pour ça. Ça change absolument rien. Non, en même temps que la balle rebondisse à une certaine hauteur lorsqu'on l'échappe lorsqu'on la laisse tomber sur la table. C'est tout ce qui importe. C'est la règle. Les premiers patins à glace étaient simplement des os d'animaux attachés aux pieds. Comme des pierres à feu, toi. Des os d'animaux. Des os. Je pogne de quoi? Ben oui. La première rondelle de hockey était faite... D'une bouse de vache? Ouais, c'est non, ça. De quel animal? C'était ça, je pense. Vache, oui. Bon. Meilleure odeur. Ouais. Les chances d'avoir deux trous d'un coup, si on n'est pas Kim Jong-il, parce qu'on sait que Kim Jong-il... Hey, ouais, à sa première partie de golf, il avait fait quoi? 7 trous d'un coup? C'est la chance du débutant. Là, ouais, François, pas la... hey, ses collègues étaient cachés dans le boisé. Puis... Mon Donc, Dieu. La chance d'avoir deux trous d'un coup dans une seule ronde de golf, c'est une sur 67 millions. 67 millions! C'est énorme. Ça m'est jamais arrivé, d'ailleurs. Un trou d'un coup, juste en général? Ben, attends un peu, là. Si on parle du mini-pot, là, ça m'est déjà arrivé. Oh, mini-pot! Mini-pot putter, ça compte pas, ça. Ouais. Ouais. T'es dur. Ouais. Un drive, c'est quoi en français, un drive? Un drive, un coup de départ? Un coup de départ, OK. Donc, le plus long drive à jamais avoir été fait est de 515 verges. OK. C'est long, ça. Le plus long... C'est long, Titi. Ben, oui. Le plus long pot est un monstrueux 375 pieds. Tu vois, je le dis puis je comprends pas, mais ça a l'air sûrement bien impressionnant. Combien de pieds? 375. Un pote? Un pote? C'est énorme. Bon. C'est énorme. Il a dit monstrueux dans le texte ah, aussi. C'est, hein? C'est bon. Monstrueux. Je l'ai lu, là. Monstrueux. Ah, monstrueux. Ma job est faite. Le plus rapide garçon de 8 ans aux États-Unis court de la même... a couru, OK, une distance, dans le même temps que ça aurait pris pour gagner le bronze aux 100 mètres aux Olympiques de 1896. Le gars le plus rapide qui a 8 ans aujourd'hui court plus vite que le médaillé de bronze aux Olympiques de 1896. Les gens se sont accélérés pas mal en vie. 2013, tu sais, on parle tout le temps de 2012, là, 12 décembre 2012, puis là, le 13, nouveau mois qu'on va intégrer pour pouvoir avoir un 13e mois pour pouvoir faire la même joke l'année prochaine, 2013. Donc, 2013 va être la première année depuis 1987 où tous les chiffres dans l'année seront différents les uns des autres. Ah! Parce que là, 2-0-1-2, il y avait deux fois le 2. 2-0-1, il y avait deux fois le 1. 2-1, on se comprend. Là. Toutes les années depuis 1987 avec deux fois le même chiffre. 88, 1989, 90, 91. Ben oui, quand même, 92. Ben oui, il y avait deux fois les 9 au début. Puis 2000, 2010, ben oui. 2-0. Wow, hein? Oh. C'est quelque chose. 2014 aussi, ça va... Oui, ça va à partir de là, je pense que ça va être pas mal le même jusqu'à la fin de... jusqu'à 2020, hein, je pense. 2020 va être le, deux, fois le, ouais. deux fois le même chiffre. Ouais. Okay. Le mot Inuit. Aréod Jarekput. Devine ce que ça veut dire. Aréod Jarekput. C'est pas grand chance, là. C'est un mot qui veut dire, et c'est un mot qu'on n'a pas de, on n'a pas d'équivalent en français, ça veut dire échanger sa femme pour quelques jours seulement. Ah ouais, tu l'échanges pour quelques jours. Et tu pars avec quoi, c'est l'histoire du pas? C'est le switcheroo. Je sais pas, tu pars avec une dinde. Une dinde. T'as un bon week-end avec ta dinde. Ben, pourquoi pas, t'sais. Aux États-Unis, alors on parle de faits un petit peu plus déprimants, là, on dit même pas à quoi ça fait référence parce que tout le monde en parle, ça me tente pas de commencer à parler de ce sujet-là. Aux États-Unis, il y a environ 270 millions d'armes à feu. Ouais, en circulation. En circulation. Ouais, c'est 88,8 pour 100 personnes. Chaque fois que 100 personnes, il y a 88,8 armes à feu. Fou, hein? Par personne dans la population, le taux d'homicide, de meurtre aux États-Unis en 2009 était environ 100 fois celui du Royaume-Uni. Ailleurs, j'entendais, là, il y avait 34 meurtres par balle, là, ouais. Par jour, aux États-Unis. Wow! C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je sais pas si tu avais vu passer ça, il y a eu 24 heures sans meurtre à New York. C'était exceptionnel. Ah, bah, est-ce qu'il y a un petit tableau comme des usines, genre zéro jour sans blessure? Mais en tout cas, ça avait de l'air. Tu sais, pour nous, c'est totalement anodin. 24 heures sans meurtre, écoute. Il y en a tous les jours, là, tu sais. Ben, c'est sûr, exactement. Et puis, non, ce qui avait de l'air à vouloir dire, c'était... C'était assez exceptionnel. Là. Mmh. C'est triste. Et pour comparaison, encore une fois, au Royaume-Uni, en 2009, il y avait 18 homicides reliés au fusil, alors qu'aux États-Unis, pendant la même année, il y en avait eu 9146. Tu sais, ouais. Des homicides, là, ça veut dire que la personne est morte. Ben oui. Homicide, c'est pas mal ça que ça veut dire. Ouais. Mmh. Ben c'est ça, on s'en va entendre, Metric. Gold Guns Girls. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon. Assemblage requis, après ça, c'est Kinky Sexy Time Edition dans C'est un fait. Mmh. Yeah. Magic et Gold Guns Girls à Assemblage Requis. Et maintenant? Maintenant. C'est un fait. Kinky Sexy Time Edition. C'est donc Kinky Sexy Time Edition. J'aime bien ton move, Matt. Je fais les épaules, ouais. Comme David Ferron ralenti. En se mordant la lèvre. Est-ce que tu connais Lisa Sparks? Non. Ben, Lisa Sparks, c'est celle qui a le record pour le plus de relations sexuelles dans une même journée. Ah. Avec le plus de partenaires différents. OK, ouais. Ouais. C'était le. Ça me dit quelque chose. Hein? Le 16 octobre 2004, est-ce que tu faisais partie des 919 hommes? 919? Différents, là. 919 hommes différents. Pendant quoi? Ça a duré combien de temps? Pas une 24 journée, heures? Ben, ouais. Je sais pas si c'était 24 heures. Ça a duré une journée. J'imagine qu'elle a tiré ça. Il faut qu'elle dorme, là. Qu'elle a étiré ça. J'ai dit qu'elle a étiré ça. Elle s'est étirée quelque chose, ça, c'est sûr, là. C'était à Warsaw, en Pologne. Oh boy. 919. Mm-hmm. C'est pas chic aussi, là. Ben non. Parce que c'est toi, t'es là avec 919 autres, là. 918 autres, là. Tu sais, t'aimes pas penser à tes, t'sais, aux autres partenaires de ta. T'sais. Non, 919. Ah, faut que tu tripes ça, là. Écoute, faut que ça t'allume à quelque part, là. Ça arrive, hein. Félicitations, Madame Sparks. Bravo. C'est rempli d'étincelles dans son entrejeu. Ouais. Sparks, ça veut dire étincelle, en tout cas. Certains hommes n'ont pas de période réfractaire. Refractory period, c'est le temps qu'il faut attendre avant d'avoir d'autres relations sexuelles. Apparemment que certains hommes n'ont pas cette période-là, donc peuvent tout de suite remonter sur le cheval. Clac, chicapouing. Sping. Sping. Il y a une paire de jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Là, on parle de jumeaux pas si à moi qui ont été séparés. On parle de deux jumeaux différents qui ont été séparés de pays, d'endroit. Plus tard, ben, en fait, c'était en Angleterre. Ils n'étaient pas dans deux pays différents. Donc, deux jumeaux séparés en Angleterre. Et finalement, ils se sont mariés. En fait, c'est un gars-fille. Ouais. Ça précise. J'imagine que c'était... Alors, donc, parce que sinon, je pense qu'ils se seraient rendus compte que l'autre était leur frère ou leur jumeau. J'imagine. Alors que gars-fille, tu sais, ah, crime, je cherche quelqu'un qui est exactement pareil comme moi. Ben, ça tombe bien. Je suis ta sœur jumelle. Ouais. Ils se sont mariés. C'est bizarre, hein? Bizarre. Très bizarre. Le sang contient entre 15 et 20 lobules qui sont remplis de cavités profondes qu'on appelle les alvéoles où le lait est produit. 15 à 20 lobules. Eh bien, c'est là que le lait est produit. Eh bien. Environ 5% des hommes de 40 ans et entre 15 et 25% des hommes de 65 ans ont une dysfonction érectile. Donc 5% des hommes de 40 ans et entre 15 et 25% des hommes de 65 ans. Donc pas mal plus tu vieillis, plus tu as de dysfonction érectile. Ça, je pense qu'on avait compris. Ouais, ouais, je pense qu'on perd nos cheveux aussi. Ben exactement, ben les choses. Hein. L'homme moyen perd sa virginité à l'âge de 16,9 ans, presque 17 ans. Ah, j'aurais dit moins que ça. Pour vrai, ben devine donc la fille, moi. 14? 17,4. Ah, 17? OK, plus vieux. Ouais. Ben, okay. C'est un petit peu plus vieux. Attends. OK. Tu sais, parce que souvent, les filles sortent avec des gars plus vieux. Ouais. Tu sais. Je me... En tout cas... Ben non. Ouais. Ah, bien. Environ un adulte marié sur 10 dit, ouais. Dit qu'il dort... 10%? 10%, bravo. Hein? Bravo. Je suis rapide. 0,5 cinquième. dit qu'il dort seul. OK. Chambre à part? Ben, ouais, je sais pas où sur le divan, j'ai aucune idée, mais ouais. Okay. Un homme sur 10 marié, ça doit pas aller si bien que ça dans le mariage. Ou encore, il y en a des deux qui ronflent beaucoup. Même si 75% des hommes se rendent toujours à l'orgasme pendant les relations sexuelles, seulement 29% des femmes disent se rendre. Bon, ok. Okay. On a fait des faits similaires à ça dans le passé. Deux tiers des étudiants au cégep et à l'université, deux tiers, ont déjà été dans une relation « friends with benefits ». OK. Donc, soit... Amis avec bénéfice. Ben, moi, j'appelle ça des Amélie. Des Amélie. Des Amélie. Ma copine s'appelle Amélie. Ouais, je sais. Fuck friend. Tu l'appelleras fuck friend pour moi. Non, je pense pas. Okay. Ensuite, selon un sondage d'adultes entre 20 et 59 ans, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels pendant leur vie au complet. Les hommes en ont combien, selon toi? Partenaires entre 20 et 59 ans, nombre de partenaires qu'ils ont eu dans leur vie. Tu dirais une quinzaine? 7. Ça? Oh. Eh bien. Les personnes intersexes, tu connais intersexes? Intersexes, tu veux dire... Ben, c'est le mythe, les gens pensent que ça veut dire qu'ils ont des appareils masculins et féminins. Mais non, je pense pas. Typiquement, ils ont des caractéristiques de chaque appareil. Donc, ils ont peut-être des caractéristiques féminines en dessous, les filles. Mais ils ont en surtout... Dessous, ou en haut. Mais ils ont surtout l'autre, ou tu sais, c'est un mix and match, là, ça dépend. Mais ils ont surtout l'autre. Surtout l'un ou surtout l'autre. D'habitude, c'est des caractéristiques de chaque. Okay. Je te dis pas le pourcentage de chaque bar. C'est poche. C'est poche et c'est d'autres choses. Les femmes chinoises peuvent faire reconstruire leur hymen. Est-ce qu'on dit ça en français? Oh, l'hymen? Ouais. Bon. Pour 700$ pour redevenir vierge. Okay. Bien important dans ces pays-là. Oui, apparemment. Utiliser de la marijuana avant les relations sexuelles peut augmenter le plaisir sexuel et apparemment fait que les hommes peuvent durer jusqu'à 2 fois plus longtemps. Oh, titi. Oh, ben, oh, ben, oh, ben. Lorsque les femmes se rendent, l'endroit dans le cerveau associé avec la peur est éteint. Quand elles sont en train de se rendre à, le cerveau, la peur, ça s'éteint. Ils ont plus peur à ce moment-là. C'est ce que ça dit. Je pourrais pas savoir. À chaque seconde, environ 3 000$ est dépensé sur de la porno sur Internet. Tu sais, quand les gens disent que la porno sur Internet, c'est fini, qu'il y a personne qui va payer pour ça parce que c'est gratuit, puis pourquoi aller payer quand tu payes sur Aero? Mais apparemment que non, ça fonctionne très bien encore parce que j'imagine des affaires très, très spécifiques, des fantasmes précis que les gens payent pour. OK. Ça va toujours marcher, la porno. Toujours. Toujours. Dans le Moyen-Âge, oui, les gens préféraient les petits seins. Donc, les femmes portaient des corsets pour aplatir la poitrine. Poitrine! C'était au Moyen-Âge. Devine le pourcentage de Canadiens qui choisiraient le bacon au lieu du sexe. Oh! En premier. 30%? 43%. Les Canadiens choisiraient le bacon au lieu du sexe. Ça n'a aucun sens. Et la Chine fabrique plus de la moitié des sex dolls, des poupées de sexe dans le monde. Donc la Chine fabrique plus de la moitié et utilise plus de 70% de ces mêmes poupées-là. Bien normal que ce soit eux qui fabriquent plus de la moitié. Et ben. Voilà pour la chronique, c'est un fait, Kiki, Sexy Time Edition. Merci, Matt. Merci, Mathieu. Oui. Maintenant, on s'en va entendre une pièce de Mardi Noir. Okay. C'est le nouveau projet musical de Maxime Villeneuve de Psycho Riders et de Nicolas Nicotine Banners qui a travaillé avec Caféine, Le Nombre, les Psycho Riders, etc. Composé sur scène de Nicotine, de Max Villeneuve, de Jean-Benoît Rodrigue, d'Olivier Saint-Pierre et de François Bouchard, des Psycho Riders encore une fois. Le groupe tiendra le lancement officiel d'un premier album ou vient de le faire cet automne. Et donc, on s'en va entendre un extrait de leur album Le Grand Réveil. Et puis... Parfait. Écoute, on a un vinyle à faire tirer. Ouais, exactement. Un gros disque avec un petit trou. Ouais. Ça résume bien la chose. Écoute, appelez-nous maintenant pendant la pièce au 819-376-5183. 819-376-5183, voici leur extrait Cœur de Ciment. Assemblage requis sur C'est Fou. 376-5183. Au retour, on retourne à notre liste de nos pièces et albums préférés de 2012 à Sondage Requis. C'est fou 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits sans dormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en remets. L'envie de tomber de haut te prend encore. Et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, la vie te brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Le Grand Nord et Fille de Feu. Je vous dis qu'une chance qu'on a la discothèque classée par ordre de date. Sinon, on se rappellerait pas de la majorité de ce qu'on fait jouer. Sinon, ça serait plus dur. Là. Pas mal. Retourner au début d'année, là, c'est pas évident. Ben, c'est pas évident en général. Et je te dirais que même là, on reçoit pas. C'est pas parce qu'on le reçoit pas assez fou que c'est pas bon. T'sais. Non. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement reçu assez fou. Il y a des compagnies de disques qui ne daignent pas nous envoyer leurs CD. Et on en reçoit de moins en moins, là, d'ailleurs. Là. Oui, ben c'est ça. C'est 2012, c'est presque 2013. Là, les CD, c'est sûr, c'est en train de s'en aller pas mal. Mais bon, que voulez-vous? Pour l'instant, on est encore bien content de pouvoir en faire jouer. Le Grand Nord, ben, c'est quelque chose que je me rappelais même pas qu'on avait reçu. Et c'est excellent. C'est excellent. Quand tu l'as sorti, je me suis dit, waouh, génial, j'adore ça, je vais en entendre d'autres pièces d'eux autres. Le Grand Nord, c'est très bon. Tout à l'heure, on recevra Michel Lebrun et il va nous faire sa chronique panier à salade. Tout à fait. On va parler de justice, de juridique. Pâté à loi. Pâté à loi, comme j'avais dit tantôt. Pour l'instant, on continue notre liste de choses qu'on a aimées en 2012 et on continue avec un groupe local qui a gagné les Mardis de la Relève. Oui, Audio Note, la formation Audio Note. Et c'est très bon, ça aussi. On dirait que j'avais comme pas oublié, mais j'avais mis ça un peu loin dans mon cerveau. Oui. Et puis, avec la pièce Métropole, on va l'entendre ça tout de suite. Oui. Et c'est très bon, Audio Note. C'est sur leur album Le meilleur des mondes, Métropole à Assemblage Rue. Thank you. Language de Hot Panda, Assemblage requis. C'est là-dessus que ça se termine. Ça se termine de même. Donc, il est 7h58. On va terminer l'heure ici, François. Je sais pas ce que t'en penses. Ben oui, formidable. Parce qu'on veut accueillir notre ami Michel Lebrun et sa chronique juridique dans quelques minutes à peine. C'est ce qui s'en vient plus tard. David Ferron est pas là, mais par contre, on va le remplacer en l'imitant. On va tenter. Tenter de l'imiter, sans rire de lui. Et... on rit jamais de lui. Jamais. Non, mais il est... non. On a parlé depuis moi, puis non, on rit pas de lui. Pour l'instant, on prend une pause. Merci là. À tantôt. Allô. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 18 décembre 2012. Il s'appelle François-Olivier Marchand. Et lui, il s'appelle Mathieu Plante. Oh, que oui. Oh oui. Oh oui, c'est bien son nom. François, on continue notre liste de choses qu'on a mis cette année. Je sais pas si ça compte dans ce cas-ci parce que j'ai jamais entendu, moi, ça. Non, mais j'aimerais avoir tes commentaires après. Je pense que tu vas aimer ça. C'est Chaos. Ça, en fait, on diffère un peu de notre zone de confort. Là. Ouais. Ça sonne un peu différent. Mais tu vas voir la pièce The Dog Is Mine. Super bon. Super, super bon. On l'écoute. Mes oui. commentaires oui. après. Oui. Bon, OK. C'est comme ça. Assemblage requis. Got to pack my things and go. Move fast, not slow. Dog is mine. Oh, you've got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. You know that you gotta go. So cool. As long as you don't have a soul. Things and go, move fast, not slow. The dog is mine. Oh, you got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. Go ahead, go ahead with your better self. We're both in love with somebody else. Sometimes it's better to live in sin than in love when you don't want someone to win. The sun is setting well. Dog is mine. Malibu, Prius drive. Who took who for a ride? Wild fox, black boots, more shots. Half truths, easy come, easy go. Yoga mat, Yoda flow. Canyon road, Hayden's house. Turn me up, fade me out. Birthdays, little word. Spare keys, instead argument, ecstasy. Don't stand so next to me. Computer screens, swallow us. Look at all my followers. Everybody get down, I'm taking over. Got to pack my things and go. Move fast, not slow. The dog is mine. Oh, you got to pack your things and go. Move fast, not slow. That dog is mine. Is mine. Chaos et the dog is mine. Et puis, commentaire? Ça prend pas mal. Ben, c'est bon, pas mal bon même. J'aime ça, hein? Oui. C'est comme catchy, c'est... Très catchy. C'est joyeux. Comment s'appelle l'album de Chaos déjà? Black and Blonde. Exactement. Voilà. On aime ça, on va en entendre d'autres. Je suis sûr qu'on va en faire jouer d'autres pièces de Chaos bientôt. Formidable. Maintenant, à Assemblage Requis, c'est le moment de recevoir Michel Lebrun. Voici la chronique juridique panier à salade. Bon matin, monsieur Michel Lebrun, ça va bien. Bon matin. Bon matin. On m'entend-tu? Aussi, oui. près que moi, je pense, dans le microphone. Donc, comment s'est passé la dernière semaine? Tu sais que François était pas là la semaine passée. Non, c'est pas vu. Puis j'ai pas pu t'écouter, en fait. Là, j'étais comme occupé à faire autre chose. Dès qu'il y a congé, il nous fait faux bon. Il est pas fidèle et loyal. Tout. Hey, vous m'excuserez. Je pensais que les codes d'écoute de l'émission doubleraient quand il serait plus au milieu, mais non. C'est ça qu'il fallait une fille le matin à la co-animation. Je prends les notes. Hein. Bon. Donc, j'étais semi-content de te voir. Là. Tu nous disais que tu voulais faire une chronique de Noël, mais c'est pas une chronique de Noël qu'on fait aujourd'hui. Ben, c'est ça. Là. Je cherchais quelque chose qui était plus dans l'esprit des fêtes que peut-être ce que je disais la semaine passée. Puis je voulais être un peu plus positif, up la vie, surtout que François est dans cet esprit-là. C'est dans plein up la vie. Ben, rappelons que la semaine passée, on parlait des camps de concentration et de la liberté d'expression par rapport à Hitler, les Juifs. Et tout. Bon, c'est ça. Puis là, ben, c'est peut-être traumatisant pour une nouvelle animatrice d'ailleurs. Oui, exact. Elle était là, puis elle parlait pas. C'était une émission du matin. Oui, oui. Puis je reviens chez moi, puis je me sens un peu coupable parce que je vois dans le journal mardi dernier, on célébrait. En fait, il y avait une célébration à Montréal la semaine dernière qui était... on célébrait le 50e anniversaire de la dernière... pas condamnation à mort, mais la dernière exécution, la dernière peine de mort qu'il y a eu au Canada. Ah. Et il y avait une entrevue la semaine dernière avec une dame qui est très connue, c'est une religieuse, Hélène Préjean. Je sais pas si vous avez vu le film « Dead Man Walking ». C'est un film ça fait peut-être 5-6 ans de ça, qui était fait à partir de la vie de cette femme-là. C'est avec Sean Penn. Ça a gagné les Oscars, je crois. Non? Et c'est une religieuse aux États-Unis qui a consacré sa vie à accompagner des condamnés à mort. Des gens qui... évidemment, elle est contre la peine de mort et elle a un peu consacré sa vie à ça. Et c'était un peu dans le cadre des je dirais pas des festivités, mais de ce qu'il y a eu à Montréal pour commémorer. Oui, commémoration. Commémoration de la dernière exécution. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution au Canada. Et c'est un organisme qui s'appelle, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Amnesty International, oui. qui en fait, organisait certaines cérémonies. Je pense qu'il y a eu une multitude d'artistes qui se sont présentés dans une espèce de mise en scène où ces gens-là simulaient un peu le fait d'être des condamnés à mort et qu'est-ce que ça peut impliquer. Et il y avait une entrevue dans le journal Le Devoir, pour ne pas le nommer, où cette religieuse-là racontait un peu sa démarche puis le sens de ce qu'elle fait et comment elle comprend ça. Et le film qui avait été fait sur sa vie, c'était Suzanne Sarandon qui jouait le rôle de cette religieuse-là. Et Sean Penn était le rôle du condamné à mort qu'elle accompagnait. Je pense que c'est Sean Penn qui avait gagné l'Oscar du meilleur acteur cette année-là. Et tout ça, ben, je me disais, c'est peut-être quelque chose de positif. Et je voulais peut-être parler un peu aussi d'Amnesty International, qui est un organisme. On le connaît tous de nom, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait ou pourquoi ça existe. Et je me suis renseigné un petit peu, évidemment, et j'ai constaté que c'est un organisme qui a été fondé en 1960 par un avocat. Bon, un avocat de un peu comme moi, mais probablement meilleur que moi, j'imagine. Il a créé quelque chose d'assez important. Et ça commence un peu tout bêtement. L'avocat en question s'appelle Peter Benenson. Donc, c'est un avocat anglais qui avait, après la guerre mondiale, il est né en 1920, je crois, donc il avait participé à la Deuxième Guerre mondiale, et j'imagine que ça affecte un petit peu sa démarche. Mais en 1960, il lit dans un journal que deux étudiants au Portugal avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Hein? C'était l'état de... 7 ans de prison pour ça? Oui, c'est ça. C'est pas pire? Oui, c'est un beau geste. Finalement, ça a conduit à la création d'Amnesty International. Okay. et ce monsieur Benenson-là trouvait que, évidemment, il était scandalisé de ça et s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire, moi, en Angleterre? » Et il avait écrit un article dans un journal et il avait parti une campagne de lettres. Amnesty International est très connu pour ce type d'intervention-là. On identifie des cas d'injustice à travers le monde et on envoie des lettres. On demande à une multitude de gens d'envoyer une multitude de lettres et on pense qu'en inondant, en fait, des autorités de ces lettres-là, d'appui aux personnes qui sont des prisonniers politiques... Ça peut faire changer. Ça peut faire changer. Et ça a fait changer bien des choses. Et c'est devenu immense, je dirais, Amnesty International. C'est présent. Il y a des millions de membres. C'est présent dans plusieurs pays. J'ai même, en pitonnant... Amnesty International Trois-Rivières, j'ai réalisé qu'il y a un chapitre. Et il se réunit même ici à l'Université du Québec. Ah, c'est Trois-Rivières. Oui. Et je peux même... C'est étudiant, non? Hein? C'est pas étudiant? Je sais pas si c'est étudiant. Vous pourriez peut-être me le dire. Regardez, la prochaine réunion, mardi 18 décembre, donc c'est aujourd'hui. OK. Ouais. Local 3002, pavillon Ringuet. Donc, j'imagine que c'est... 3002 Ringuet, oui. Juste à côté, par là. Bon, et ils font une campagne de cartes de vœux. Et ils ont leur site Internet. Même Amnesty International, en général, a son site Internet. Ouais. Mais Amnesty Trois-Rivières a son site également sur Internet. Et si je comprends bien, ils se réunissent les troisièmes mardis de chaque mois. Okay. Et je pense que c'est ici, à l'UQTR. Et c'est facile à trouver sur Internet. C'est intéressant de voir un peu l'idéologie derrière ça. Un des principaux combats de Amnesty International, c'est la peine de mort. C'est la lutte contre la peine de mort. Et ça... Je dirais, c'est quelque chose qui tend à revenir. Hein. Bon, aux États-Unis, il y a une progression, je dirais, même au niveau de la peine de mort depuis une vingtaine d'années. Au Canada, on en parle régulièrement de ramener ça. Puis on a un gouvernement actuellement qui... Qui pourrait ramener ça. Qui est pas mal enclin à ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de voir comment Amnesty International sont très radicaux là-dessus. Ils disent qu'il n'y a pas aucune raison de condamner quelqu'un à mort. Donc, ils militent contre l'abolition totale, en toutes circonstances, de la peine de mort. On prétend que ça ne sert à rien. Et sur leur site, j'ai vu... Et là, ça rejoint un petit peu le combat de cette dame-là, de Mme Projet. Et je dirais, ça rejoint peut-être des choses qui nous touchent plus de près actuellement. Parce que on entendait, puis c'est un peu la suite de ma démarche. Moi, je me cherchais une chronique de Noël, mais le reste de la semaine m'a rendu les choses un peu plus difficiles. C'est devenu plus difficile pour moi de garder de penser à des choses positives. Oui. Quand, bon, il y a eu premièrement, au milieu de la semaine dernière, toute l'espèce d'hystérie collective autour de l'affaire Turcotte. Guy Turcotte a été libéré, en tout cas, sous certaines conditions, suite à ce verdict-là. Et là, je pense que, là, si on lit les médias ici, bon, le bonhomme Satter est dans les rues et puis le Québec sera bientôt à feu et à sang. C'est vrai. Tout le monde y va de son commentaire. Tout le monde essaie de comparer aussi l'affaire Turcotte avec d'autres choses qui a pas de lien. Exactement. Je faisais une réflexion. Je me disais, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un s'en prend à ses enfants et commet des gestes irréparables de cette envergure-là? C'est pas la première fois. C'est arrivé régulièrement. C'est la seule chose qui est peut-être différente dans le cas de cette personne-là. C'est un homme. Ben c'est oui. Un médecin. Mmh. C'est ça. Donc, il est riche. Donc, quelqu'un qui réussit. Tu soulèves ça, Mathieu, et c'est un peu vrai. Pas nécessairement le fait que c'est un homme. Parce qu'il y a mais c'est pas une femme, mettons. Ouais, il y a eu une femme la semaine dernière qui s'en est pris à ses trois enfants. Et bon, j'imagine qu'elle va subir un peu les foudres de l'attention. Puis c'est bien normal. C'est des gestes qui sont affreux, qui sont horribles. Mais je dirais qu'avant l'affaire Turcotte, ces cas-là étaient vus avec... C'est toujours horrible, là, mais il y a... On était porté à... avoir une certaine... un soupçon de compassion pour la personne qui commettait ça, qui s'en prenait à ses enfants, lorsque, dans des circonstances où on pouvait réaliser que c'est quelqu'un qui aimait vraiment ses enfants, qui s'en occupait bien et qui, tout d'un coup... Et les enfants manquaient de rien. Manquaient de rien, surtout pas d'amour, d'attention, tout ça. Et ça, il semblerait que c'était le cas de Guy Turcotte. Et je parlais avec, un moment donné avec une journaliste de ce problème-là, puis on disait... je disais, écoutez, si tu connais quelqu'un qui était... un gratteux, là, quelqu'un qui un gripsou, là. Un gripsou qui compte ses scènes, puis à un moment donné, tu le vois passer dans la rue, puis qui lance son argent au grand vent, tu vas dire, ben, il est peut-être devenu fou. Hein. Et puis, il y a de quoi qui s'est passé, en tout cas. Il y a de quoi qui s'est passé, exactement. Et lorsque tu prends quelqu'un comme c'est M. Turcotte, qui n'était pas un batteur d'enfants, au contraire, qui était peut-être même. Passait pour être un père au-dessus de la moyenne au niveau de l'amour qu'il pouvait porter à ses enfants, ben on est vraiment... Il y a beaucoup de questions qui ressortent d'un geste comme celui qui a pu poser. Et la réponse que d'eau jurée, puis ça, c'est un autre chose qui était un peu différente de ce qu'on voit dans d'autres situations. Les gens semblent pas avoir de respect pour le fait que c'est pas le système qui a rendu le verdict à M. Turcotte. C'est 12 citoyens comme vous et moi qui ont entendu tout ce procès-là et qui ont... Ils sont supposés être neutres, là? Ben oui, effectivement. Et ça a sûrement pas été facile pour eux d'arriver à ce verdict-là. Mais ils en sont venus à la conclusion que cette personne-là était dans un délire et avait perdu le contrôle et était plus capable de faire la différence entre bien et le mal. Ce qui est, en tout cas... une avenue qui... c'est difficile d'être nuancé là-dedans parce qu'on pourrait penser que toute personne qui commet un crime est un peu fou aussi, là, a perdu la raison. D'un autre côté, considérer tout le monde comme des machiavéliques criminels, ça aide pas non plus à solutionner ces problèmes-là. Et traiter les malades mentaux comme des criminels, comme ça arrive très souvent... Il y a beaucoup plus de malades mentaux dans les prisons qui sont considérés comme des criminels que de criminels qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Et je pense que l'approche globale, je vous dirais, du système envers toutes ces situations-là est quand même pas méchante. Quand on pense qu'au Canada, il y a eu une réduction significative du nombre de meurtres, que ces situations-là arrivent de moins en moins souvent, fort heureusement. Je pense qu'avant de dire que le système est pourri et que les policiers, que les juges, les avocats, on n'a rien compris, et prôner un genre de lynchage, comme on le fait dans ce cas-là. J'ai bien aimé aussi dans l'émission, là, c'est dans le Dîner de con, il y a un des chroniqueurs ou des animateurs qui avait fait un peu une dénonciation de comment les médias en apparence, se disent horrifiés par ça, mais semblent exploiter toutes ces situations-là. Ben oui, tout à fait. Sensationnaliste. C'est ça. Et ça, c'était le début de la semaine, et la semaine se continue. Et là, vendredi, ben là, c'est l'horreur absolue de ce qu'on voit aux États-Unis. Encore une fois, une exploitation médiatique. Moi, personnellement, demander des questions aux enfants, comment ça s'est passé, tu demandes pas ça à des enfants, voyons, non, c'est traumatisant. Voyons, donc, les grands médias sont très hypocrites, à mon avis, là-dessus. Et puis ça vient me chercher un peu là, oui. de voir ça. J'ai tendance à fermer la télévision et à vouloir arrêter des... Non, c'est gênant. Ah oui, et puis... Et on se prétend toujours scandaliser, encore une fois, par toutes ces choses-là. Et à la fin de tout ça, je me dis, si j'étais aussi malhonnête que les médias, que ceux qui commentent des cas comme l'affaire Turcotte, je me dirais, tout ce mouvement-là au Canada, qui part du Parti conservateur, du gouvernement qu'on a actuellement, et des médias comme Québécois qui ne cessent de demander plus de sentences, plus d'emprisonnement, moins de nuances au niveau de juger du cas par cas... je me dis, est-ce que... On les entend pas beaucoup et qui, d'un autre côté, disent qu'ils abolissent le registre des armes à feu, qu'ils prétendent que l'accès aux armes à feu, c'est la solution pour protéger les citoyens et qu'on doit avoir plus d'armes à feu et que la société va être mieux lorsqu'on aura plus d'armes à feu. Ben, on les entend pas beaucoup commenter ce qui se passe actuellement ou des événements comme ceux qui se sont passés aux États-Unis, ouais. qui se produisent. C'est souvent, pas, beaucoup trop souvent. Ça se produit souvent. C'est l'ouverture du film de Batman cet été au Colorado. Ça finit qu'une nouvelle chasse l'autre et on réalise c'est pas ça. L'ampleur exact. De tout ça. Oui, c'est vrai. Et puis je me dis, les États-Unis qui sont le modèle de justice criminelle pour les conservateurs, pour, je dis, on le sait régulièrement dans le journal de Montréal, aux États-Unis, ils s'en sortiraient pas comme ça, puis il n'y aurait pas... Sentence bonbon! Des sentences bonbon, bon, tout ça. Est-ce que la mentalité qui dit... j'appelle ça un peu... moi, je viens d'une génération où le film... Un film culte violent des années 70-80, c'était Dirty Harry, où Clint Eastwood disait « Make my day », et puis le héros dans beaucoup de films américains, dans la culture américaine, c'est quelqu'un qui passe par-dessus les procédures, puis qui se fait justice à lui-même. Et est-ce que cette mentalité-là n'est pas à la source de ces genres d'événements-là qu'on voit, où des gens... ont leurs propres vérités, ont leurs propres idées, ou en tout cas, je disais même ce matin que la mère du personnage qui a commis les horreurs de la semaine dernière était, on appelle ça des survivalistes, là, ou des gens qui se préparent pour la fin du monde, ou... Ouais. J'avais tendance à appeler ça le futur bon vieux temps. Là. Des gens qui sont nostalgiques de l'époque des cow-boys ou de l'époque où les gens se faisaient justice à eux-mêmes. Rêvent un peu de façon un peu tordue au fait que ça va revenir quand il y aura soit une catastrophe économique ou une catastrophe écologique ou en tout cas peu importe. Et là, ils accumulent des armes et c'est quand même... Ils vont pouvoir s'en servir. Ben, c'est ça. Puis c'est quand même... Mais c'est fou quand même, là. Ben oui, puis c'est quand même... C'est morbide de dire ça, mais de voir à quel... C'est une femme qui a élevé son enfant dans cette mentalité-là. Et ben qui... oui, c'est le fusil de la mère qui a tué la mère. La mère, pour commencer. Donc, celle qui voulait se protéger contre toutes les catastrophes. Les fanatiques possibles. D'armes qui disent, genre, si seulement les professeurs avaient eu une arme, ben il y en avait une arme. Elle était dans le galera, puis le gars l'a utilisée pour te tuer. Ben oui, c'est ça. Si bol, non mais sérieux. Là, c'est rendu, dans cette logique-là, il va falloir que les enfants de l'école primaire aient une arme dans leur boîte à lunch. Ben oui, parce que... pour se protéger des lions, il faudrait s'acheter un lion. Ben oui. Non mais là. Ben exactement, puis c'est toute cette logique. Là, de la vengeance ou de l'espèce de... On enlève toute la nuance qu'il peut y avoir ou je vous avais déjà dit, même la mentalité du gouvernement américain qui est de plus en plus de se faire justice. On a des programmes d'assassinat maintenant ciblés. On s'en vante. Le gouvernement américain ne fait plus de procès. L'histoire de Ben Laden, ça peut être un exemple. Moi, personnellement, ça me scandalise un peu de voir que malgré tous les crimes que cette personne-là a pu commettre, que le gouvernement se limite à trouver cette personne-là et à l'exécuter purement et simplement, sans même que cette personne-là ait la chance de se défendre. Moi, je pense que quand on fait ça... Ça envoie un message assez bizarre à tes citoyens. Là. Ben, c'est signe qu'on devient un peu comme ce qu'on prétend, ce qu'on veut attaquer. Puis j'avais déjà donné cet exemple-là, puis je vais vous le redonner. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va revenir aux horreurs des nazis. Mais ouais. Lorsque les Américains ont tenu ce qu'on appelle le procès de Nuremberg, où tous les criminels de guerre nazis ont été jugés. La plupart ont fini par être condamnés à mort aussi. Puis ça, je pense que on ne verse pas beaucoup de larmes sur le sort de ces personnes-là. Mais l'idée même de faire un procès était discutée. Et les Américains avaient dit, on va leur faire un procès. Pourquoi faire un procès à des monstres comme ça? Pourquoi faire un procès à des gens qui n'en ont pas fait des procès et qui ont fait des millions de victimes? Bien, la réponse des Américains à cette époque-là était, bien, parce qu'on n'est pas comme eux. C'est ça. Et puis, c'est ça que cette valeur-là, elle est très importante. Et je pense que, malheureusement, puis je suis bien triste de ça, de voir... Moi, j'ai rien contre les Américains en général, j'ai rien contre les États-Unis, mais de voir que maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la culture ou le cinéma qui a instauré cette forme de raisonnement-là, mais... On est tanné de ça. On n'en veut plus de procès. On veut plus se casser la tête. La mentalité de John Wayne, justement, make my day, et on paye sur la gâchette. Et, à force de vendre cette mentalité-là en se fondant sur la prémisse qu'on a raison parce qu'on est bon, parce qu'on est américain, puis qu'on représente la liberté et la justice, ben, tous les tordus américains qui ont accès à des multitudes d'armes à feu, sans aucune commune mesure avec ce qu'on retrouve ici au Canada, s'ils sont imprégnés de cette culture-là, ben eux aussi, s'ils considèrent que le gouvernement a leur cause du tort, ou leur directeur d'école, ou leurs enfants, ben, on le constate, les gens trouvent ça... La logique, la poursuite de cette logique-là, ben, c'est de dire, ben, tu prends les armes et tu te fais justice à toi-même, peu importe quelles sont tes idées ou quel est ton sens de justice. Et ça, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est comme perdu. Puis j'ai peur, puis c'est un peu pour ça que je viens ici, ou que c'est un peu ce que je constate dans les médias, dans les grands médias, là, où, surtout les médias comme Québécois. On semble nourrir un peu cette mentalité-là. Puis qu'est-ce que ça va nous donner ici? Moi, je pense qu'on est en train d'évacuer une approche qui était beaucoup plus nuancée, qui était beaucoup plus efficace. Et on dénigre à cette heure, maintenant, des propos comme ceux auxquels je faisais référence, des organismes comme Amnesty International ou des gens comme ça, qui parlent de réhabilitation, qui parlent de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête d'un criminel. Et je pense pas qu'on va être gagnant à la fin de tout ça. Amnesty International faisait remarquer que le Canada a officiellement aboli, parce que je vous ai dit, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution au Canada. Mais la peine de mort a été abolie officiellement au Canada en 1976. Et curieusement, c'est l'année où les États-Unis ont recommencé à utiliser la peine de mort parce que... Il avait arrêté? Oui, la Cour suprême des États-Unis avait considéré que c'était un traitement cruel, en tout cas, avait comme un peu aboli la peine de mort en raison du droit à la vie. Et la Cour suprême, je connais pas trop la mécanique qui a été suivie aux États-Unis, mais a fini par renverser sa position là-dessus, et on a réinstauré tranquillement la peine de mort aux États-Unis à partir de 1976, alors qu'au Canada, ça faisait... Bon, 50 ans depuis, donc c'est 1962, dernière exécution. Après ça, il y a eu des condamnations à mort, mais toutes ces condamnations à mort-là étaient systématiquement transformées par le gouvernement en peine d'emprisonnement à vie, c'est ça. Et en 76, là, le gouvernement a passé une loi qui abolissait à tout jamais la peine de mort, okay. Mais on a instauré... En contrepartie, on a créé l'infraction de meurtre au premier degré pour laquelle on prévoit l'emprisonnement à vie lorsqu'on est condamné pour un meurtre au premier degré et l'impossibilité d'avoir une libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, ce qui entame une bonne partie de la vie de la personne. Ça, et, c'est ferme, là. Tu peux pas sortir avant 25 ans. Tu peux pas sortir avant 25 ans. Il y a une disposition qui permettait et qui existe encore dans certaines circonstances à un accusé au bout de 15 ans de retourner devant un jury, de faire un deuxième procès. Presque automatiquement. Et là, pas pour dire qu'il était coupable ou pas coupable, mais pour demander exceptionnellement au jury la permission d'être éligible aux libérations conditionnelles, donc de pouvoir se présenter devant un tribunal de libération conditionnelle. Mais, et parfois, des jurés acceptaient... oui, puis... Il n'y a pas deux accusés qui sont pareils, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Puis lorsqu'on veut faire des mesures... général qui s'applique à tout le monde, ben on crée nécessairement de l'injustice. Ça, j'en ai déjà parlé pour les peines minimales, lorsqu'on parle de trafic de stupéfiants ou de faire pousser du cannabis ou des jeunes envoyer des jeunes de 18 ans en prison. Pour moi, ça devrait être criminel. T'sais. Ça donne rien et ça crée souvent des gens qui... Ça détruit des vies et... ça envoie des gens en prison qui n'ont peut-être pas d'affaires là. Ben non, puis des gens qui sont pas criminalisés, ben ils sont dans un milieu le plus criminalisé qui soit. Ils pourraient apprendre à fonctionner là-dedans, mais souvent, ils peuvent devenir, adopter des comportements qui sont criminels. Donc, c'est un drôle de constat, là, mais je sais pas qu'est-ce que 2013 va nous réserver, mais si on continue à avoir des événements comme ça, puis à pas remettre en question... Le sens où ce vers quoi semble s'en aller notre justice criminelle. Des gens comme le sénateur Boisvenu, encore une fois, j'ai bien de la sympathie pour ce qu'il a vécu, mais à qui on qu'on sort comme un épouvantail à chaque fois qu'on veut resserrer. C'est vrai quand même. Hein? C'est vrai quand même. Oui, oui. Ben, et c'est. Moi, je trouve ça triste pour cette personne-là parce que je trouve qu'il est manipulé à des fins politiques par un gouvernement. Et c'est pas une mauvaise personne en soi. Puis il a vécu une tragédie dans sa famille. Puis même ce qu'il avait à dire au niveau. Lui, la base de son. Son combat à lui, c'est que sa fille a été victime assassinée par quelqu'un qui était en libération conditionnelle. Et lui, il prétend, probablement avec raison dans ce cas-là, que cette personne-là n'aurait pas dû être libérée puis qu'elle a été traitée un peu pour des raisons souvent budgétaires. On n'a plus de place dans la prison. Puis là, on met des gens qui peuvent être dangereux dans la rue. Et puis là-dessus, ses remarques faisaient sûrement du sens. Et il a... peut-être réveiller certaines personnes ou il y a peut-être certains comportements au niveau des libérations conditionnelles qui n'étaient pas adéquats ou qui n'assuraient pas suffisamment la protection de la société. Mais de là à se servir de quelqu'un comme lui pour envoyer, comme je vous disais, des jeunes en prison ou à éliminer toute forme de réhabilitation, ben là, je pense que là on passe le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Je veux dire, il n'y a plus personne de gagnant dans ça. Et est-ce qu'on veut d'une société ou d'un système de justice? Amnesty International a été fondée par un avocat qui avait vu dans un journal, je vous l'ai dit, des jeunes qui avaient porté un toast à la liberté et condamnés à 7 ans de prison. Aujourd'hui, aux États-Unis, un des cas qui illustre le mieux le délire de justice criminelle américaine, c'est un... Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est un quelqu'un de la région, je crois que c'est de Miami, qui importait des homards et qui, plutôt que de les mettre dans des sacs transparents, les a mis dans des boîtes de carton. Et il y a eu une perquisition, on croyait que c'était un braconnier, puis bon, on a mis beaucoup de moyens pour essayer d'attraper cette personne-là, mais la seule infraction qu'on a pu lui trouver, c'était celle-là. C'est d'avoir mis ses homards dans des... Je sais pas si c'est des sacs de transparents ou des boîtes de carton, mais il était supposé le mettre dans un, puis ça s'est retrouvé dans l'autre. Okay. Et cette personne-là était condamnée à 8 ans de prison. 8 ans de prison pour ça? 8 ans de prison pour ça. Et vous lirez, c'est rapporté par la revue The Economist, une revue très sérieuse anglaise, et qui dénonçait un peu le système de justice américaine. Et... je pense que ça crée et Amnesty International parle justement de lorsqu'elle parle de la peine de mort, ça s'applique aussi à ces sentences-là, c'est un peu exagéré. Lorsque les gens prétendent que la peine de mort va réduire la criminalité ou va assurer notre protection, il faut mal comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui commet un crime. Si quelqu'un commet un meurtre aux États-Unis et que c'est de commune renommée que c'est punissable par la peine de mort, cette personne-là, n'oubliez pas une chose, c'est qu'elle n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus... C'est sa vie, là. Donc, pour cette personne-là, pouvoir s'échapper et tuer quelqu'un pour s'échapper, c'est sauver sa propre vie, là, parce que... Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute, rendu là, en tuer un autre ou en tuer 20 autres, il n'y a pas de différence. Ben non, c'est ça. Puis avec les sentences qui sont rendues en matière de trafic de drogue ou d'autres infractions, je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Ça crée une société violente, une société... En fait, on adopte les comportements des criminels, on devient des abrutis, on ne fait que répondre à la violence par la violence et ça crée malheureusement, et si j'étais malhonnête, je dirais peut-être à cause de ça, des tragédies comme celles qu'on a vues la semaine passée. Fait que, T'es malhonnête, là? J'ai appuyé chez Québécois, fait que je voudrais commencer à faire on va découper ça là, puis écoute, tu leur présenteras ça. Un commentateur de Québécois dont je n'aimerais pas le nom parce que je l'ai trop nommé. On sait qui, ouais. faisait une comparaison en disant bon, Guy Turcotte est sorti de prison et on a justement quelqu'un à Montréal, qui risque l'emprisonnement parce qu'il a fait des films ou des effets spéciaux pour lesquels c'était morbide un peu, puis il subit son procès actuellement. Donc, il compare quelqu'un qui subit son procès avec quelqu'un qui sort après 4 ans ou 5 ans de détention, ce qui se compare à beaucoup des cas de ces drames-là familiaux, là. Mais on a décidé, pour des raisons bien précises, de faire un exemple de cette personne-là. Mais il compare quelqu'un qui subit son procès avec un supposé tueur d'enfants pour dire que le système n'a plus de sens. Ouais, c'est ça. À force de comparer des pentes avec des oranges, ça, on finit par. Il n'y a plus personne qui croit à rien. Ben, après ça, ben, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste à se faire justice soi-même. Et puis, je pense pas que c'est très facile. Et c'est très facile aussi de mettre le doute dans la tête des gens, là. Des gens de la population, ouais, en fait, très facilement. Ouais, ben, oui, c'est ça, ben, en fait, on exploite... Ben oui, on exploite notre réflexe naturel. C'est sûr que notre réflexe naturel, c'est pas de dire aux gens qui commettent des crimes, pauvres petits gars, ou de vouloir les comprendre. La première chose qu'on veut faire, c'est les punir. Puis je pense que c'est un réflexe qui est normal. C'est un réflexe qu'on avait quand on était des enfants dans la cour d'école, puis qui nous suivent. Mais je pourrais peut-être finir avec ça, puis vous... oui? C'était... La sœur, justement, Mme Projet, qui disait, et j'ai trouvé ça intéressant, elle suit des condamnés à mort et elle est elle-même contre la peine de mort et elle milite beaucoup pour éviter que les gens qu'elle suit soient condamnés à mort. Et je vais vous citer un bout de son entrevue. Elle dit, il y a quelques années, un condamné à mort pour un crime hideux a parlé à un journaliste avant de mourir, raconte Sœur Projet. Le journaliste lui a demandé pourquoi il devait être gracié. Le condamné à mort lui a répondu, parce que vous êtes meilleur que moi. C'était ça qui était, alors ça sera ma petite phrase de Noël. C'est bon, hein? C'est bon. Ah. Bien. Savez-vous quoi? Je vais avoir de la peine de ne pas avoir de chronique de Michel Lebrun pendant les deux prochaines semaines. C'était un jeu de mots avec la peine de mort. Oh! Quand même pas si pire. Bon, ce que j'ai retenu de la chronique, c'est principalement les homards. 8 ans! 8 ans pour des homards. Je sais pas si le gars, il y a des remords. En tout cas, il y a eu le temps d'y penser. C'est pas un jeu de mots, ça. Il y a eu le temps d'y penser. C'est pas un jeu de mots qu'un homard. Non, c'est vrai. Moi, j'avais fait un jeu de mots. Pincé. Il s'est fait pincer. Ouais, moi, il pense. Moi, je vais avoir 2 semaines pour y penser. C'est bon. On me laisse le temps de vous remettre de tous ces jeux de mots-là. Et on se retrouve en janvier pour une autre chronique de panier à salade de Michel Lebrun. Merci. On prend une petite pause et on revient avec la chronique de David Ferron sans David Ferron. OK. Donc, c'est quand même une chronique de David Ferron, mais encore meilleur, parce qu'il n'est pas là. Oh. On rit avec lui. Hein. De lui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 8h40 avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est toujours Assemblage requis. Et ce, en direct. Et c'est bien en direct. Tout à l'heure, on fera la chronique de David Ferron. Ça s'en vient, ce sera pas très très long. Mais avant ça, j'avais une chronique pour accompagner j'avais une chanson pour accompagner la chronique de Michel Lebrun. OK. C'est les résidus plasmiques. On retourne un petit peu en arrière avec leur album de Noël. Désolé, mais c'est encore Noël. On écoute Prisonnier de Noël. Oh, c'est de l'humour. Fait qu'on revient avec David qui est aussi de l'humour, tant. Le petit Christ au tambour, prisonnier du party de bureau, où il vaut mieux ne pas en savoir trop. Si tu loupes le party de belle maman, prisonnier de 1000 campagnes de souscription, toutes les raisons sont bonnes pour avoir ton pognon. On ramasse des sous, c'est pour faire un cadeau, petit requin de la poitrine. Tu as batifolé tout l'été, maintenant tu dois payer et recevoir toute la parenté. Les prisonniers des sempiternelles reprises. Ciné-cadeau, Père Noël est une ordure. Monsieur Scrooge, Astérix au pays des barbus. Père Noël est une ordure, Monsieur Scrooge, Astérix. Pays des barbus, les amours de la fée dégueulasse, le sapin a des boules. Des boules? Ah ben moi, j'aime les boules. Bon, il aime les boules. Il aime toujours les boules. C'est les résidus plasmiques avec Prisonnier de Noël. Ça date de leur album. Désolé, mais c'est encore Noël. Dans le temps, les résidus plasmiques nous envoyaient un album à chaque fête qui existe sur Terre, là, que ce soit Pâques, l'Halloween, Noël, la rentrée des classes. Depuis quelques temps, ils ont arrêté de nous en envoyer, mais ils nous envoient encore des fois des compilations, des rééditions, des remasterisations. Ils disent des repasterisations. Repasterisations. C'est très drôle. Mais malheureusement, on fait moins jouer. Il faudrait qu'on recommence quand ils nous en envoient de nous le faire jouer. Donc voilà, pour les résidus plasmiques, petit groupe d'humour. En fait, un petit gars, un homme qui fait de l'humour et qui enregistre dans son sous-sol, quelque chose comme ça. Donc, c'est bien intéressant. Maintenant, ben, un autre gars de sous-sol, dans le sens qu'il est cave. Non, c'est une blague. Oh. Il est fini. C'est une cave finie. Voici David Ferron, mais sans David Ferron. Voici La langue dans ton oreille. Donc, même sans David, le chat est quand même présent. Oh, l'accueil en studio et c'est lui qui parle en ce moment. Donc oui, David Ferron n'est pas là pour sa dernière chronique de l'année. C'est malheureux. Non, c'est malheureux. Je pensais le revoir. Ben, moi aussi, j'espérais pouvoir lui dire bonne année, grande année. Bonne année. Mais bon. Il nous a quand même envoyé ces deux pièces. On va entendre du Tricot Machine. Tricot Machine chante Noël. En fait, je pense que j'avais même des explications pour ça. Oui, exactement. Donc, on va commencer tiens, avec Tricot Machine. Okay. C'est une chanson hommage à la mère du chanteur et musicien du groupe qui est morte le 25 décembre. Ah. C'est très triste. Donc, ça va être Tricot Machine tantôt. Après ça, on entendra L'automobiliste et le blizzard de Maryse Letarte. L'album des Pas dans la neige, sorti il y a pourtant quelques années, fait présentement un tabac chez les critiques de certains pays européens qui considèrent l'album comme une des révélations de fin d'année et une bouffée d'air frais. OK. Donc, c'est ce qu'on va entendre. Mais avant ça, on va avoir Tricot Machine avec la pièce Combien de Noël. Sur l'album Tricot Machine chante Noël, c'est ce qui commence dans quelques secondes. La voilà. À Assemblage requis. On a collé la langue dans ton oreille. Aurons-nous encore ensemble? Combien de soleils avant que la terre ne tremble? Combien de mémoires pour les souvenirs d'hier? Combien de tempêtes apaiseront nos hivers? Transformeront nos silences. Combien de maisons célébreront l'importance? Combien de lumières dans les L'automobiliste et le blizzard de Maryse Le Tartre. Assemblage requis, c'était dans la chronique de David Ferron, Les langues dans ton oreille. David. Oui, merci beaucoup, David. L'album Des pas dans la neige de Maryse Le Tartre est sorti il y a quelques années, mais comme on disait, ça a un gros succès en Europe en ce moment. Et avant, c'était Tricot Machine et Combien de Noël, hommage à la mère du chanteur et musicien du groupe qui est morte un 25 décembre. Ouais. Voilà, c'est triste. On remercie encore une fois David Ferron pour toute sa chronique tout au long de l'année, son émission. David. Tout au complet. On se revoit en 2013. Oui, 2013. On va pouvoir rire de Gustave La Fenêtre, j'en suis sûr. Non, j'espère qu'il ne viendra pas. Ah, running gag. On continue. Vu qu'on l'a annoncé, on n'a pas le choix de la faire, hein, c'est comme ça. On va faire Sex Smith, ça devrait répondre là. Rapidement. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique où on se crée des besoins. Et là, c'est un blitz de choses vraiment rapides. Pour commencer, pour décorer votre arbre de Noël, si vous avez encore le temps, si vous prenez le shipping rapidement, le UPS, etc. Ça peut se rendre à temps. Vous pouvez acheter une boule de Noël en forme de testicule rouge. Oui, c'est l'organisation contre le cancer des testicules ORCID et une agence de publicité de Londres, Fallon, qui ont créé les Bob Balls. Allez voir le site web Check Your Balls, c'est sur checkyourballs.com. Ouais, on donc. Oui, c'est tout rouge et évidemment, si vos testicules sont rouges, il faut aller voir un médecin. Là. Hein? Contrairement à vos boules de Noël qui, elles, peuvent être rouges quand vous le voulez. C'est disponible à partir du 10 décembre, donc depuis le 10 décembre, et puis vous pouvez même chatouiller le dessous de votre boule de Noël testiculaire. Ensuite, si vous avez tendance à perdre vos clés, c'est un bracelet qu'on met évidemment sur le poignet et qui s'ouvre et qu'à l'intérieur, il y a une clé. Et vous pouvez faire modeler le bracelet à la clé que vous voulez. OK. Et le bracelet est en plastique, s'insère dans le bout. Et puis, quand vous tirez dessus, ça fait une clé. C'est des Bracelet Keys par Kim Ji-soo, Kim Jong-min et Chung Bugun. Voilà. Pas une mauvaise idée du tout. Non? C'est ouais. Beau. En tout cas, c'est beau. Ensuite, un concept ici, c'est des verres de contact avec écran à l'intérieur. Avec un écran à l'intérieur. Oui, c'est des verres de contact avec un écran LCD courbé. Ben voyons donc. À l'intérieur. Puis, voyons donc. T'as une batterie là-dedans? C'est un concept. Je sais pas comment ils vont le faire, là. Arrête. Je sais pas. L'idée pourrait peut-être être développée dans le futur. Des verres intelligents, on appelle ça des smart cops, qui détectent la présence de drogue du viol. Les différentes viols différentes drogues du viol. Je parle mal quand je vais aller trop vite. Ça s'appelle Drink Savvy. C'est un projet sur Indiegogo qui ramasse de l'argent en ce moment. Et ça va vous donner un signal virtuel. Par exemple, celui-là, le vert, il y a des barres, des lignes rouges qui apparaissent quand il y a une drogue. C'est le fondateur Mike Abramson qui dit et qui va utiliser cette découverte-là pour créer une gamme de produits. Des verres, des bâtonnets pour brasser. Des pailles, etc. Des pailles. Donc la compagnie essaie de ramasser 50 000 $ pour pouvoir produire ces affaires-là. Et puis c'est sur Indiegogo, le lien est sur assemblagerequis.com. Ah tiens, si t'as froid l'hiver, François, toi t'aimes les chandos. Regarde, le chandail tricoté par ta grand-mère, mettons. Ou ta mère, ou peu importe qui tricote dans ta famille. Il y a tout le temps quelqu'un qui tricote dans la famille. Donc c'est un sweater. Mais qui fait le corps au grand complet jusqu'aux pieds. Et l'ouverture est en haut de la... Comme le snuggie? Le snuggie, je crois que tu l'insères comme une robe de chambre, puis tu l'attaches, non? Je sais pas comment ça fonctionne. J'en ai pas non plus. Bon. Mais celui-là, tu l'insères un peu comme un pyjama par le cou. Donc, tu rentres tes jambes par le cou. Ça va jusqu'aux pieds, puis les pieds sont en sweater aussi, en petit chandail de laine. OK. Non? OK, peut-être. En tout cas, c'est disponible. Ensuite, c'est un sous-vêtement sexy pour les femmes qui est à l'épreuve du pipi et de d'autres liquides. C'est vrai, évidemment pas les numéros 2. Hein. On s'en va là-dessus. Donc, c'est Dear Kate, fabriqué par une ingénieure de 25 ans, Julie Siegel, qui utilise des tissus vraiment résistants pour que le pipi, le sang, des règles, etc., ne gâche pas vos sous-vêtements. Donc, c'est un genre de plan B, c'est un backup. T'sais, pour être vraiment sûr, il y a comme 3 couches d'absorbants et de paquets d'affaires comme ça. Donc, vous pouvez les acheter. C'est apparemment disponible. Le prochain, c'est des haut-parleurs pour vos souliers. C'est des haut-parleurs qu'on attache à ses souliers pour évidemment écouter de la musique. C'est Ray Kingston qui a inventé ça. C'est des sneaker speakers. Pourquoi pas? Très bien. Un sac à dos que vous pouvez décorer vous-même. C'est donc une grille, un peu comme une plaque de Lego qui est sur votre sac à dos. C'est un sac à dos noir, il y a une plaque jaune. Et puis, vous pouvez poinçonné, attaché. Bon, des morceaux genre de Lego. Ça s'appelle le Ouani Pixel Art Backpack. 16,5 pouces de haut, 13,5 de large et 5 pouces d'épaisseur. Et c'est comme un genre de mélange entre Tetris et Lego. Vous pouvez le décorer comme vous voulez avec du genre de, avec des genres de 8 bits. Là, c'est des, du décor style 8 bits, un peu comme dans les jeux vidéo. C'est des pixels de silicone et une base de silicone. Donc tout ça s'intègre l'un à l'autre pour faire un genre de Tetris, si on veut. Et ça, j'aimerais avoir le prix, s'il vous plaît, sur ThinkGeek. 80$, tu me niaises? 80$, mais ça vient avec plein, plein, plein de pixels pour faire votre propre décor. C'est beaucoup trop cher, 80$. Ouais, quand même. Ouais. Le problème suivant, c'est que vous avez de la misère à remplir votre bouteille d'eau réutilisable parce que dans le robinet, la bouteille est trop haute. Tu sais, ça rentre pas, je sais pas. Tu veux la remplir dans la salle de bain peut-être, puis ton évier est pas assez profond. Il te faut Hydros Filtering Water Bottle qui est rempli par le côté. Hein, c'est des bouteilles qui vont au lave-vaisselle. Il y a un filtre à l'intérieur qui réduit le chlore, la chloramine, les particules de je sais pas quoi. Choix de 5 couleurs et vous la remplissez par le côté, donc ça va être beaucoup plus facile de remplir votre bouteille. Ça coûte entre 16 et 35$ dépendant d'où vous allez. Il y a un lien sur Amazon.com. Un autre habit qu'on peut porter, c'est l'habit fait de bubble wrap, François. OK. Tu sais, tu peux te péter toi-même tes bubble wrap sur ton corps. Là. Ouais. Hein? C'est des fantasmes, tu sais, j'imagine que ça pourrait J'imagine, écoute. Pourquoi pas, j'adore ça, c'est sur ThinkGeek encore une fois, ça coûte 15$, c'est pas cher. C'est fait avec du vrai bubble wrap, c'est one size fits all, donc fit pas tout le monde nécessairement, mais fit la plupart des gens. J'adore. Celui-là, vous avez sûrement vu le lien se propager sur Internet, c'est une cravate qui inclut une flasque d'alcool. Vous avez sûrement vu ça. Donc, si vous l'avez pas vu, ben, je vous en parle. C'est une cravate et dedans, il y a un petit contenant de plastique. C'est comme ça. On met son alcool et puis au bureau, on peut boire. C'est une flasque de 8 onces. Ça se remplit bien, ça. 25$, pas cher. Ça, celui-là au bureau, là, c'est pas cher. Il y a un cercueil avec des haut-parleurs, si jamais vous voulez célébrer votre mort avec votre chanson préférée, pourquoi pas, ça existe. Un verre de shooter au Pepperman, c'est fait de Pepperman fondu. Oui, je te jure, ben c'est oui, un verre en Pepperman. Tu verses ton alcool, tu le bois, après ça, tu peux licher puis manger ton verre. Comme les Fun Dip. Oui. Tu manges ton bâton après. Comme les Fun Dip. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de Fun Dip. C'est vrai? Ah, ça fait vraiment longtemps. Moi, un ou six mois, à peu près. Tu me fais rire. Un Fun Dip, une fois 6 mois. Oh, okay. D'accord. Pour toi? Non. Ah. Je m'étais retenu jusque-là, mais je pourrais recommencer. 11$ pour 3 verres de Pepperman. Ça, c'est pas cher. Et ça vaut la peine. Du beurre de cacahuète que vous allez regretter instantanément, c'est en fait, OK. Si on regarde le pepper spray, tu sais, le truc poivré là, des policiers, là, le pepper spray, comment t'appelles ça? Poivre de cacahuète. Ouais. Ça, c'est 12 millions de SHU sur l'échelle de Scoville, OK? 12 millions. Là, ce beurre de peanut-là, OK? Ce beurre de peanut-là est à... non, attends un peu. 2 millions pour le pepper spray, OK? OK, 2 millions. Lequel, c'est 2 millions. Celui-là est à 12 millions. Hey. C'est 6 fois plus que du poivre de cayenne, mais c'est du beurre d'arachide que vous mettez sur vos toasts. Tu sais? La sauce genre la plus intense chez Taco Bell est à 500 unités Scoville. Fait non, que, j'aimerais pas ça, moi. Moi non plus. 12$ par pot. Mais en même temps, j'aurais envie de l'essayer. 12, tu sais? Tu pourrais le mélanger avec de la confiture pour faire un genre de mélange sucré-salé. Là. Ah, je sais pas. Celui-là, vraiment trop cool. Si vous avez des gants l'hiver et que vous voulez les transformer en gants tactiles pour votre iPhone, à la place d'acheter des gants faits pour ça, ou d'acheter des... Il y a des petits boutons qui existent que tu peux coudre après tes gants. À la place, Any Glove, c'est du liquide qui rend n'importe quel gant tactile. Ah oh, ouais? Oui, donc allez voir la vidéo. Dans le fond, c'est une alternative liquide. Et puis, vous avez juste à verser quelques gouttes de Any Glove sur votre gant, n'importe quel gant, vous laissez sécher. Je fais pas confiance à ça, moi. C'est sûr. Je sais pas. Je sais pas. Pas chier non plus. Je vais en sauter quelques-uns. Il y en a un qui est un genre de caméra qui se branche sur votre porte et puis qui va vous montrer par Wi-Fi sur une application sur votre iPhone ou iPad qui est dehors. Donc ça existe. Ouais. Je sais pas. Il y a une caméra. Tu vois la caméra, écoute, tu peux la cacher. C'est... Ouais, en tout cas. T'as la Camera Ring, qui est une caméra sur une bague. Qui fonctionne un peu sur le même principe. Et puis, finalement, tiens, comment faire des biscuits dinosaures? C'est des cookie cutters qui vous font faire différentes formes, OK? C'est des différentes formes qui vont ensuite s'imbriquer. Tu fais des biscuits, tu fais des formes de biscuits, tu les fais cuire dans le four, et puis les formes ont des trous dedans, de la façon que le moule a été fait, là. OK. Et puis après ça, tu peux imbriquer, disons, le dos dans les jambes et puis sa tête dans le dos. Ça imbrique, ça fait un dinosaure comme 3D avec différents biscuits pour 12$ environ pour l'emballage. Eh bien, pour ce coup, c'est très, très fun. pour Noël, pourquoi pas? Faire des pains d'épices. Gâtez-vous. Pain d'épices dinosaure, François. J'ai pas l'air d'aimer ça, t'as pas l'air d'aimer ça. Mais depuis le temps que j'en voulais. Permets-moi d'en douter un peu. Mais je suis sûr que tu pourrais t'amuser avec ça. Va t'acheter un fun dip, là. On s'en reparlera après. Ah, parfait. Est-ce que tu me payes un fun dip après l'émission? Non! Non, t'es donc mère rabat-joie. Ben, il y en a pas ici. Puis je sortirai pas à affronter la tempête, voyons. Ah ben! Moi, je serais prêt à faire n'importe quoi pour toi. Vas-y. N'importe quoi. Vas-y, je vais te le payer si il va à pied. J'y repense. Vas-y. OK. Est-ce qu'il y a un équivalent à la cafétéria qui serait comme un fun dip? Non! Il faut vraiment un fun dip. Hein? Fun dip. Ouais, t'as bien raison. C'est la fin de l'assemblage Rocky pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, à l'émission, on aura Maxime Bilodo. Dernière colline de l'année. Tout à fait. Oui, tout à fait. Dernier mercredi de l'année. Oui. Et avant-dernier Maxime de l'année, parce qu'il va y avoir un Maxime Bétui jeudi. Oh. Si on compte en termes de combien de Maxime il reste avant Noël. allez voir les notes de l'émission sur assemblagerocky.com. Les balados-diffusions sont là aussi. Allez voir sur safe.ca pour la programmation complète qui va continuer dans quelques heures. Ça continue dans quelques minutes. Il y a de la musique qui va jouer. Mais à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Oui, et il devrait avoir la présence de Maxime Da Silva, de Michael Da Silva. Michael Da Silva. Comme si tout le monde s'appelait Maxime. Que j'ai vu dans une valise, hein, en fait. Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il parlait d'un projet, je pense, là, de je me souviens plus. D'une selle de vélo. Lui, il étudie en ingénierie. Ingénierie, exactement. Clair, ouais. Et puis, je pense qu'ils ont remodelé là, la selle d'un vélo. Ben, c'est ça, les ingénieurs travaillent sur des choses qui vont peut-être se retrouver plus tard dans Sex Smith, ça devrait répondre là. Exact. Ça se pourrait, ça. Exact, ouais. Après le dîner de con à 13h, ce sera Rock Classique avec Alain Lefebvre qui continue sa rétrospective de 2012. À 19h, restez pour réanimation spéciale de 2h au lieu de 3 aujourd'hui, malheureusement. Hein? Fini à 9h. Donc, réanimation métal et horreur. On se quitte avec un autre de nos derniers choix de l'année 2012. Tu voulais qu'on aille entendre du Topanga. Topanga avec la pièce Fogo Island. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Plante? Moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais vraiment ça, entendre la pièce Fogo Island de Topanga. C'est super bon. C'est ça, c'est bon. Puis on n'écoute pas assez. Puis combien de temps est-ce que je vais devoir remplir avant de trouver Topanga, tu penses? Oh, tu l'as pas trouvé? Ben oui, je l'ai. Là. OK. Est-ce que j'avais l'air de chercher? Arrête. Ben non. C'est même pas vrai. C'est des accroires. Hey, fun dip, tout le monde. Aujourd'hui, tu y vas-tu? Je sais pas. Mais passez une journée fun dip. C'est sûr que tu y vas pas. Chicken. Tarla chicken. Non, j'ai pas dit tarla. Je pourrais y aller. Si tu me laisses la chance d'y aller, c'est la job. Je vais y aller. Non.